force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui viens de perdre des bijoux et des habits de valeur, écoute-moi bien, cesse de pleurer, car j'aimerais te dire que l'Éternel va te donner le double de tout ce que tu as perdu. Commence à prier pour demander la restitution, parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous sommes en prière, nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage qui va inspirer nos prières d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 5, 22 à 33. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire Éphésiens 5, 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Ce passage nous parle de la responsabilité ou des responsabilités de la femme, de l'épouse vis-à-vis de son époux. Le premier élément dit « La femme doit être soumise à son mari ». Le verset 22 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Vous voyez ?« Comme au Seigneur ». Et il donne des raisons, il dit « Le mari est le chef de la femme ». Comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez une relation qui est là ? Le mari est le chef. Je sais que dans certaines constitutions ou bien dans certains droits, dans certains codes de famille, le mari n'est pas forcément le chef de famille. Mais ici, la parole de Dieu, la Bible, pour nous les chrétiens, elle nous donne la manière dont Dieu voit les choses. Il dit, le mari est le chef de la femme. Le chef ne veut pas dire nécessairement que c'est lui le dictateur qui dicte tout. Mais le chef signifie également la tête ou le responsable. Dieu veut tout simplement que la femme reconnaisse qu'elle est placée sous l'autorité de quelqu'un. Je vais parler à une femme, écoute-moi bien. Quel que soit le poste de responsabilité que tu occupes, Dieu t'a donné ce mari-là. Même si son niveau intellectuel est inférieur au tien, tu dois apprendre à te soumettre. Je vais parler à une prophétesse, écoute-moi bien. Tu es en train de faire le ministère étant en désaccord avec ton mari. Tu es dans l'erreur. Avant d'aller même de village en village, c'est vrai que tu dis que tu t'as donné la mission d'aller couvrir des églises, même à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays. Mais écoute-moi bien, tu dois être en accord avec ton mari. Tu dois obtenir d'abord l'autorisation de ton mari. Sinon, tu es dans l'erreur. Parce que on dit la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est pour le Seigneur. Et d'ailleurs, ici, il est dit au verset 24, « De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je vais parler à une femme. c'est vrai que tu vis des moments difficiles parce que ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ton mari te fait voir de toutes les couleurs. Et tu as même envie de quitter la maison. Tu viens même de découvrir que ton mari te trompe. Je sais que c'est vraiment difficile et je prie pour toi, pour que le Seigneur lui-même puisse t'aider à marcher avec cet homme, à prier pour lui, à l'accepter encore. Mais le Seigneur dit que ton mari là peut se convertir à partir de ton comportement. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas en allant à l'église du lundi jusqu'au dimanche que ton mari va se convertir. Toi-même, tu as des failles, tu vois. Lorsque ton mari voit qu'il y a des failles à la maison, il voit que tu ne t'occupes pas de la maison, il voit que tu négliges même sa nourriture. Lui, déjà, il est païen, vous voyez. Donc, il va commencer déjà à profiter de ces failles-là. Il faut vite fermer ces failles-là. Soit en accord avec le Seigneur, soit en accord avec ce que la Bible te demande comme responsabilité. Parce que, par ton témoignage, même ce mari-là, un jour, il peut se donner au Seigneur. Et puis, une autre responsabilité, on dit la femme doit respecter son mari. Le verset 33, il faut respecter le mari. Ne cherche pas à vilipender, ne cherche pas à ridiculiser ton mari. Il faut le respecter. Deuxième vérité, il s'agit maintenant des responsabilités de l'homme. Il est dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il y a des gens qui pensent que ce qui est difficile, c'est de respecter. Mais aimer, c'est encore beaucoup plus dur et plus responsable. Parce qu'on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. L'amour ici, ce n'est pas un amour théorique. Il s'agit d'un amour sacrificiel. C'est-à-dire, il faut imiter ce que Christ a fait. Vous voyez, Christ a aimé l'église. Il a fait quoi? Il s'est sacrifié. C'est ça le mari. Tu dois te sacrifier. Je parle à un monsieur, regarde-moi bien. Toi-même, tu es préoccupé d'acheter tes costumes, d'acheter des voitures, de changer. Mais ta femme là, ça ne te préoccupe pas. Le niveau que tu as, le niveau de salaire que tu as, avec les avantages que tu as, ta femme ne devait pas avoir la voiture là que tu lui donnes. Est-ce que tu comprends? Mais tu dois apprendre à te sacrifier, vous voyez, pour ton épouse. Tu dois apprendre à protéger ta maison. Christ s'est sacrifié. On dit, il s'est sacrifié, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mari doit en quelque sorte jouer le rôle de pasteur. Je vais parler à un monsieur. Regarde, ces derniers temps, tu demandes, c'est ta femme toujours qui te réveille pour OSB. Mon ami, normalement, c'est toi le mari qui est le pasteur. C'est toi qui dois te préoccuper de la vie spirituelle. Quand on dit que Christ a aimé l'église pour la purifier, la sanctifier, on dit, c'est ça la responsabilité du mari. C'est-à-dire, tu dois même aider ta femme. Si ta femme est en faiblesse là, c'est toi qui dois l'aider. C'est savoir comment on médite la parole de Dieu, comment on prie. Regarde, je parle à quelqu'un. Depuis longtemps, ta femme te demande de jeûner, de prier. Parce que le problème que tu connais au niveau de ton travail là, les combats que tu connais, demande le jeûne. Et c'est toi-même qui devrais tirer ta femme pour dire, nous allons prier, nous allons jeûner. Je parle à toi qui m'entends. Le Saint-Esprit me convainc de te dire les problèmes que tu connais, les combats que tu as au niveau de ton travail. Il faut que tu impliques ta femme dans le jeûne, dans la prière, et que tu impliques toute la maison. Jeûner pendant environ 3 jours et vous allez voir un déblocage spectaculaire. Autre responsabilité du mari, il faut prendre soin de la femme. Vous voyez, il est dit au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Nourrir ta femme, prendre soin d'elle, lui acheter les habits qu'il faut, les bijoux qu'il faut, la lotion qu'il faut, lui donner à manger, la soigner lorsqu'elle est malade. C'est tout ça, prendre soin. Est-ce que tu comprends? C'est ta responsabilité. Je vais parler à un monsieur. Tu caches ton salaire, pourquoi? Hein, mon ami, je parle à toi. Tu viens d'acheter un terrain et tu as caché à ta femme. Mais tu as dit ça à tes petites sœurs, à tes petits frères. Donc tu n'as rien compris, mon ami. Pourquoi tu caches les terrains que tu as achetés à ta femme? Alors que réellement, ta femme, c'est une seule chair. Non, ce n'est pas bon ce que tu fais. Troisième vérité, ce sont les 3 piliers pour un mariage solide. Ces 3 verbes, quitter, s'attacher, devenir une seule chair. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Le verset 31, C'est une reprise de Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand on parle de l'homme, il ne s'agit pas seulement du mari, même la femme aussi doit apprendre à quitter. Je vais parler à une dame. Quand tu parles avec ton mari, toi tu dis toujours, dans notre famille, nous sommes unis. Dès que ton papa t'appelle dans une réunion là, tu pars même sans demander la permission de ton mari. Ça, ce n'est pas normal. Donc tu n'as pas encore quitté. C'est ça le problème. Il y a des gens qui n'ont pas encore quitté. Peut-être que physiquement tu as quitté, mais spirituellement tu n'as pas encore quitté. C'est comme si dans ta famille on vous a attaché quelque part. Tu dois apprendre à quitter. Je vais parler à un frère. Regarde-moi bien. Entre toi et la vieille, ta maman là, il y a quelque chose d'anormal. À tel point que lorsque ta maman te demande quelque chose, tu dois l'appliquer immédiatement. Alors que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère. Deuxième verbe, s'attachera à sa femme. Donc ta femme doit être ta conseillère. Tu ne peux pas être proche d'une autre personne qui est ta femme. C'est-à-dire que la relation entre toi et ta femme doit primer sur toutes les relations. Pourquoi tu t'attaches plus à ta mère? Pourquoi tu t'attaches plus à ta petite sœur? Les choses que tu devrais donner à ta femme, c'est ça que tu donnes à ta maman. Tu donnes à ta petite sœur. Tu donnes même à une concubine, à une amie. La Bible ne dit pas tu t'attacheras à une concubine, à une amie du lycée. Hein, mon ami, la fille là avec qui tu as étudié, ces derniers temps, elle t'a appelé à son anniversaire. Regarde les choses que tu as achetées en cachette sans dire à ta femme. Ce n'est pas normal. S'attachera à sa femme. Et puis on dit, les deux deviendront une seule chair. Pas les trois. Devenir une seule chair se concrétise dans l'union sexuelle, dans votre manière de vivre l'intimité. Il n'est pas normal pour un marié d'être adultère, non. Et une seule chair, c'est réservé au cas du mariage. Et j'en profite pour dire aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, le cadre pour la vie sexuelle, c'est le mariage. Il faut attendre le mariage. Avant le mariage, c'est la débauche. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. C'est le bon fleuve d'un Alléluia. Bénissons l'Éternel. Il est digne de louange. Il est digne d'être magnifié. Lui qui nous instruit, qui nous fortifie et qui nous enseigne. Bénissons-le. Tu es le Dieu juste, le Dieu qui sauve, le Dieu fidèle, le Dieu qui délivre. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oui, Seigneur, tu es digne que nous puissions chanter pour toi, que nous puissions te célébrer, car tu es Dieu. D'âge en âge, tu es le même. Oui, Seigneur, c'est pourquoi il est digne que nous puissions raconter tes merveilles jour après jour. Oh, sois béni, toi, le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur, le commencement et la fin sont toi. Le ciel et la terre passeront, tu les rouleras comme un vêtement. Mais toi, Seigneur, tes années ne passeront jamais. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions, parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Il est digne, ô Seigneur, que nous puissions te louer. Toi qui nous as rachetés à grand prix, oh que l'honneur et la magnificence te reviennent, toi qui as fait de nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Tu es celui qui prend soin de nous jour après jour. Oh, reçois en ce moment l'honneur et la magnificence, toi notre bouclier, notre force, notre protecteur. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Nous rappelons que le passage du jour, c'est Éphésiens 5, 22 à 33. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir les devoirs des femmes. La femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur en toutes choses. La femme doit respecter son mari. Nous allons prier. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, oui, sous prétexte de l'émancipation, qui n'arrivent pas à se soumettre à leur mari. Oh, tu vas prier l'Éternel, toi qui es marié, pour dire: Seigneur, aide-moi à me soumettre à mon mari. Oui, même si ton mari est païen, je sais que c'est difficile. Demande cette grâce à Dieu. La solution, ce n'est pas le divorce. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, c'est une joie pour moi ce matin d'invoquer ton nom. C'est une joie pour moi ce matin, ô Père éternel, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Je te dis merci, Père éternel, pour tous tes hauts faits, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les couples. C'est toi qui soutiens les couples. C'est toi qui sécurises et protèges les couples. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous les frères, toutes les sœurs qui sont mariées. Je prie au Père éternel et je demande que ton Esprit Saint gouverne chaque mariage. Je prie pour nos sœurs qui sont mariées au Père éternel, qu'elles puissent honorer leur mari, qu'elles puissent se soumettre à leur mari selon la parole de Dieu. Dans le mariage, les rôles sont répartis. L'homme aime sa femme et se sacrifie pour elle, et la femme se soumet à son mari. Je demande au Père éternel que ce soit une soumission selon les valeurs que toi-même tu as présenté. Je demande que tu sécurises et que tu protèges les mariages afin que les recommandations, afin que les commandements que tu as donnés concernant cette institution soient toujours respectés par les couples. Merci Père éternel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle à l'épanouissement des couples est lié au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour les maris. Ils ont la responsabilité d'aimer leur femme. Ils ont la responsabilité de se sacrifier pour leur femme. Il y a beaucoup de maris qui n'arrivent pas à se sacrifier. Il y a beaucoup de maris qui n'arrivent pas réellement à satisfaire aux désirs de leur femme. Oh, nous allons prier pour que le Seigneur les aide. Que cette parole soit vécue. Tu vas prier. Si toi-même tu n'es pas encore marié, prie pour tes parents. Prie pour tes amis. Prie pour tous ces couples qui connaissent des menaces de divorce au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, Marie, aimez vos femmes et sacrifiez-vous comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Selon Éphésiens, ce matin, notre Dieu, notre Père, il est difficile d'aimer, il est difficile de se sacrifier. Et c'est ce que nous constatons, ce que nous expérimentons, ce que nous vivons. Mais ce matin, ta parole nous recommande. Ta parole nous invite, ta parole nous ordonne d'aimer et de nous sacrifier pour nos femmes, pour nos épouses, pour celles-là que tu nous as données. Seigneur, nous étions en souffrance, nous étions seuls, dans la solitude. Il t'a plu de nous donner cette vis-à-vis, quelles que soient les difficultés, mais c'est notre devoir. Nous sommes le chef de famille et nous à nous humilier, à nous sacrifier. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage à ne pas regarder à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, mais à obéir à ta parole, à l'aimer, à la chérir, à l'écouter, à nous taire quelquefois, notre Dieu, notre Père, parce que nous voulons ressembler à notre Maître. Aide-nous, Seigneur, sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les trois piliers du mariage soient vécus. Quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore quitté. C'est là le problème. Ils sont encore attachés spirituellement. Ils n'ont pas encore quitté émotionnellement. Ils sont attachés aux valeurs familiales. Ils sont attachés aux amis du monde, aux copains, aux copines. Ils n'ont pas encore quitté. Alors qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous allons prier pour combattre l'esprit d'adultère qui mine les foyers. Au nom de Jésus-Christ, prions pour la restauration et l'harmonie conjugale. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche. force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni soit notre Dieu, béni l'initiateur de tout couple, de tout mariage et de toute famille. Le Dieu qui a donné des principes pour vivre en harmonie et de se prendre une épouse ou un époux. Seigneur, nous te glorifions et nous te magnifions. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a la perversité dans les foyers qui se sont aimés, des hommes et des femmes, mari et époux, qui se sont dit oui, fidélité. Et aujourd'hui, nous constatons, Seigneur notre Dieu, dans cette marche des déviations, nous constatons le péché. Ô Père, je prie que les piliers, ces trois piliers du mariage soient vécus dans les cœurs, que tout ce qui a été dilapidé, tout ce qui manque, Père, je prie que tu donnes à ce couple, que tu donnes à cet homme de renoncer à l'impudicité, à l'adultère, que tu donnes à cette femme qui mijote son complot aussi de vouloir tromper son mari. Cher Saint-Esprit, je te demande de réconcilier les cœurs brisés, de réconcilier les âmes découragées. Dans les couples, dans les foyers, fortifie les cœurs, réconcilie les cœurs, renouvelle, restaure et requinque l'amour dans les foyers. Merci d'étendre ta main de grâce pour la réconciliation, afin que le moi soit brisé, l'orgueil soit brisé. Merci pour l'harmonie conjugale. Merci pour le bien-être conjugal. Merci pour la vie dans les foyers. Merci pour toutes tes merveilles. Au nom de Jésus, le concepteur du mariage, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.